La quantité d'enfer qui tient dans un atome étonne le penseur. Et je considérais cette larve, pareille aux lueurs des forêts, blême, désespérée avant même de vivre, qui, sans pleurs et sans cris, d'ombre et de terreur ivre, rêvait et s'en allait, les pieds dans le ruisseau. Némésis de 5 ans, méduse du berceau. Fin du poème 57, intitulé Les Petits.